me rappelle de ces longues journées passées au tribunal. Les yeux des parents pleins de larmes et le procureur qui parle mal. Les éducateurs perdus entre deux jeunes, débordés, foyers d'accueil d'urgence. Tu parles d'une enfance, tu parles d'une chance. Fuc sur fuc, coup sur coup, voilà mon parcours. Et même mon autobiographie est écrite par le greffier. Yeah. Mes baskets pour oreiller, seul en pensant à ma mère devant leur sandwich aux gruyères. Tu sais, ils croient me comprendre, ils croient me défendre. Perdu seul dans ma cellule, ils ne font que me descendre. Où que j'aille, c'est la même. Retour au point de départ, j'en ai perdu du temps seul. Au tribunal pour enfants. Pour avancer dans la vie, prendre un nouveau départ. Yeah. Il me faut trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Pour prendre un nouveau départ, c'est ça. Avancer dans la vie, prendre un nouveau départ. Ok, il me faut trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Prendre un nouveau départ. Encore une belle après-midi sans soleil, une nuit sans sommeil. J'attends mon psychologue, moi qui aurais besoin d'un pneumologue. Parti de rien, je rêvais de Porsche, de caisse, de Maserati. Mais la vie m'a mis un coup de tête, comme sur Amaterasu. J'avais ma mère et mon père pour m'élever, pas besoin de vos tuteurs. Et pour remplir le frigo, souvent j'ai sorti le cutter. Le jour se lève, je suis dans la mer, je suis dans un foyer différent. Malheureusement, la nuit tombée, je fugue. Retourne au bâtiment, les potes étaient au lycée. Moi j'étais en prison, ils étaient souvent chez des meufs. Moi j'étais souvent chez les keufs. Rien à faire, mon gars, attrape. Les anciennes histoires te rattrapent, ils m'attirent comme un aimant. Ce tribunal pour enfants. Yeah. Pour avancer dans la vie, prendre un nouveau départ. Yeah. Il me faut trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Pour prendre un nouveau départ, c'est ça. Pour avancer dans la vie, prendre un nouveau départ. Ok, il me faut trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Prendre un nouveau départ. J'ai le moral à zéro. Je cherche des réponses, la juge en face d'elle, un jeune qui souffre, un jeune qui se défonce. Mes parents savent plus quoi faire, plus j'avance, plus je me renferme. Un beau jour j'ai eu 16 ans et ce jour-là j'ai pris du ferme. À tous les jeunes des foyers qu'on ne pourra jamais comprendre. À toi qui souffre, à toi qui fugue, à toi qui refuse de te rendre. À toi qui dors loin de chez toi, quelle que soit la raison. Quelle que soit la saison, qui aimerait rentrer à la maison. Mais laissons-les vivre, ces tribunaux, laissons-les vides. Ces cellules pour enfants, laissons-les vides. J'étais ce petit casquette basse, tête baissée, regard triste. Regard triste. Et pourtant, plein d'espoir au tribunal pour enfants. Au cœur du problème. Au tribunal pour enfants. Au cœur du problème. Au tribunal pour enfants. Au cœur du problème. Au tribunal pour enfants. Au cœur du problème. Au tribunal pour enfants. Pour avancer dans la vie, prendre un nouveau départ. Yeah. Il me faut trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Prendre un nouveau départ, c'est ça. Pour avancer dans la vie, prendre un nouveau départ. Pour avancer, il me faut trouver le cœur du problème. Trouvons le cœur du problème. Trouver le cœur du problème. Prendre un nouveau départ, c'est ça. Yeah. Pour avancer dans la vie, pour tout péter, mon ami, pour tout baiser, faut trouver le cœur du problème. Faut trouver le cœur du problème. Pour prendre un nouveau départ. Pour prendre un nouvel envol. Yeah. Faut trouver le cœur du problème.